L'information est pratiquement passée inaperçue. 40 ans après les événements qui l'ont rendu célèbre, le pilote américain Gary Powers a été décoré à titre posthume tout récemment. 40 ans après. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Et surtout, s'il fallait le décorer, pourquoi ne l'avoir pas fait alors qu'il vivait encore, dès son retour de captivité en URSS en 1962? Quelle ombre planait donc sur cette affaire et quels soupçons sur cet homme qui a pourtant été, un temps au moins, considéré comme un héros par ses concitoyens? C'est le 1er mai 1960, alors que l'Union soviétique célèbre la fête du travail, que l'avion espion U-2 de Gary Powers est abattu au-dessus de l'Oural. Le pilote est capturé. La nouvelle est d'abord tenue secrète. En effet, 15 jours plus tard, une importante conférence au sommet doit réunir à Paris les quatre grands, les anciens alliés de la Seconde Guerre mondiale. Les dirigeants des quatre pays qui possèdent la bombe atomique ont pour la première fois l'ambition de parler de détente et même de limitation de la course aux armements nucléaires. L'enjeu est donc considérable. C'est peut-être la fin de la guerre froide qui est en vue. Après tant d'années de tensions et de menaces de guerre, le monde va enfin pouvoir respirer. Mais en distillant peu à peu des informations sur cette affaire et en piégeant les Américains, le numéro 1 soviétique, Nikita Khrouchtchev, va utiliser de façon très machiavélique la capture de Powers pour saboter la conférence de Paris. Et le procès public de Gary Powers, en août 1960, sera une formidable opération de propagande contre les États-Unis. Naturellement, on peut s'interroger sur la simultanéité entre les deux événements, d'autant que Powers, après avoir été considéré par les Américains comme un héros, sera soupçonné, dès sa libération et son retour aux États-Unis, d'avoir fait le jeu des Soviétiques. On osera même lui reprocher de s'être laissé capturer vivant et de n'avoir pas détruit son appareil en vol. Monsieur X ne croit guère au hasard. Dans ce nouvel entretien qu'il m'a accordé, il ne m'a pas caché que cette affaire n'avait pas révélé tous ses secrets. Pour lui, il ne fait nul doute que l'enjeu était cette conférence de Paris. C'est la paix qu'on a voulu saboter, mais qui... Rendez-vous avec X. Bon. Pour commencer, si vous le voulez bien, parlons de cet avion fabuleux, le U-2. Et l'avion espion. Et surtout l'avion symbole de la guerre froide. Le problème des Américains au début des années 50, c'était leur manque d'informations sur l'URSS. C'était la grande glaciation, cet immense pays était fermé, inaccessible, et le renseignement militaire y était pratiquement impossible. Ouais. Bref, les Américains voulaient savoir ce que les Soviétiques préparaient. Exactement. Mmh. D'autant que depuis 1949, l'URSS possédait la bombe atomique, et qu'elle a fait exploser sa première bombe H en 1953. Alors, pour les États-Unis, il était important d'obtenir des informations sur le nombre de bombardiers ou sur les missiles dont les Russes disposaient. Parce que l'obsession des militaires américains, c'était de ne pas se faire dépasser. Et de rester à niveau. Et même d'être un peu devant. Mais j'imagine que de l'autre côté, ça devait être pareil. Et c'est comme ça, à force de surenchères, que les budgets militaires atteignent des sommets. Mmh. Oui, mais cet argent n'est jamais perdu pour tout le monde. Vous avez raison, enfin, passons. Alors, pour obtenir malgré tout des informations sur l'URSS, la CIA a tout tenté. C'est-à-dire Mais il y a d'abord eu des parachutages d'agents. Ouais. Sur le sol soviétique? Oui, mais dans un pays aussi fermé où la police était omniprésente, ces agents ont été très vite repérés et arrêtés. Alors les dirigeants de la CIA ont pensé à autre chose, des vols le long des frontières de l'URSS. Des vols, mais avec quel genre d'appareil? Des bombardiers reconvertis et bourrés d'appareils d'écoute. Et parfois, il faut bien le dire, ces vols se prolongeaient au-delà de la frontière. Mais rapidement, grâce à un réseau de radars très dense, les Soviétiques ont réagi et la chasse a mis fin à ces intrusions. Et de nombreux équipages américains l'ont payé de leur vie. Il fallait donc imaginer d'autres moyens. Oui, alors on est passé au ballon. Des ballons sans passagers, mais équipés d'appareils photographiques automatiques. Ça me semble assez aléatoire, non? Parce que, une fois lâchés, ces ballons étaient soumis aux caprices des vents. Bien sûr. Et puis, il fallait les récupérer. Autant dire que l'opération lâchée de ballons n'a pas été franchement couronnée de succès. C'est alors que les Américains ont imaginé un système complètement différent. Alors, on y vient, c'est l'U-2. Oui, l'idée est assez révolutionnaire. C'était de concevoir un avion de reconnaissance capable de voler très haut dans la stratosphère, à plus de 20 000 mètres d'altitude. Pour échapper à la chasse? À la chasse et à la défense aérienne, bien entendu. C'était un véritable défi technologique. Expliquez-moi. Écoutez, je ne suis pas un spécialiste en aéronautique. Je sais. Mais je sais qu'à très haute altitude, là où l'atmosphère est raréfiée, faute d'oxygène, les moteurs à réaction s'étouffent. D'autre part, toujours pour la même raison, la portance est très faible. Il fallait donc trouver des solutions très ingénieuses pour résoudre ces difficultés. Et elles ont été résolues dans un temps record. 8 mois ont suffi pour concevoir et construire le premier appareil. Oui, ben c'est en effet très court. Moi, je pensais que les simples études préalables à la conception d'un nouvel avion demandaient des années. C'est exact. Mais la CIA, car c'était la centrale américaine qui était le maître d'œuvre, a fait appel à des cracks, les types du bureau d'études de Lockheed. Ce sont eux qui avaient conçu le premier avion américain à réaction. Et ce sont les mêmes qui créeront beaucoup plus tard le fameux avion furtif, le F-117. Ouais. Sans entrer dans les détails, hein, justement, comment ont-ils résolu les difficultés dont vous parliez? Ils ont imaginé une sorte de grand planeur très léger aux ailes filées très longues, donc d'une grande portance. Et le moteur? Un réacteur classique et puissant, mais aménagé pour fonctionner dans un air raréfié. Et le pilote pouvait injecter de l'hydrogène dans le carburant lorsque l'avion volait très haut. Malgré tout, lorsque l'appareil se trouvait à plus de 20 000 mètres, le U2 était juste à la limite du décrochage. Ouais, ça veut dire que le pilotage était donc très délicat. Oui, d'autant que parfois, malgré ces aménagements, le réacteur s'étouffait quand même. Alors que se passait-il? Le pilote devait alors redescendre en toute hâte vers les couches plus denses de l'atmosphère, et là, il rallumait son moteur et remontait. Ouais, mais s'il redescendait, il devenait vulnérable. C'est juste. Et on en reparlera tout à l'heure à propos du vol de Gary Powers. J'ajoute que l'U2 avait aussi une autre particularité assez désagréable. C'était un avion qui refusait de se poser. Expliquez-moi. Mais en arrivant près du sol, cet appareil extrêmement léger se comportait comme un planeur. Et le pilote, pour se poser, devait plaquer énergiquement l'avion contre la piste. C'est dangereux, ça. Oui, et comme le pilote n'avait qu'une visibilité très réduite à l'avant, une voiture suiveuse, conduite par un aviateur expérimenté, lui donnait les indications nécessaires dès qu'il entrait dans l'axe de la piste. Compliqué, non? Oui. Et cet avion a fait ses premiers essais en vol quand? En 1955, et très vite malgré la délicatesse du pilotage, l'U2 a exaucé tous les souhaits de ses créateurs. D'emblée, il a battu un record d'altitude, plus de 22 000 mètres, je crois. Avion espion, j'imagine aussi qu'il a dû être construit et essayé dans la plus grande discrétion. Naturellement, la CIA avait même aménagé une base secrète dans le désert du Nevada. C'est là que les premiers pilotes se sont familiarisés avec cet extraordinaire appareil. Un avion qui, en principe, était civil. D'ailleurs, pour couper court à la curiosité des personnels, on a prétendu que c'était un avion expérimental destiné à étudier la stratosphère. Ouais. Ce n'était donc pas l'armée de l'air américaine qui en avait la charge. Non, les U2, pilotes et appareils, étaient tous sous les contrôles de la CIA. Et c'était une volonté politique du président Eisenhower en personne. Pourquoi? Ike, non sans raison, quand on a lancé le programme, s'est dit qu'un jour ou l'autre, un de ces avions risquait de se faire descendre. Si l'avion était civil, les soviétiques seraient moins tentés de crier à la provocation. Oui, mais ça ne pouvait quand même pas les tromper longtemps, non? Non, mais les apparences pourraient être sauvées. D'autant que la CIA avait assuré le président qu'en cas de pépin, l'U2 serait automatiquement détruit. On verra ce qu'il en adviendra. Lors de l'affaire Powers. Et l'équipement de l'U2? Ça dépendait des missions qui allaient lui être attribuées. Mais disons qu'il était ordinairement pourvu de caméras et d'appareils photo très perfectionnés, qui permettait de prendre des images d'une précision extrême. Il y avait aussi à bord un instrument particulier qui permettait au pilote de voir sous l'avion. Une sorte de périscope à l'envers. C'est tout à fait cela, oui. Et grâce à cet appareil, le pilote pouvait identifier ses objectifs et donc déclencher à vue les caméras. Vous avez dit que le bureau d'études qui a conçu l'U2 est aussi celui qui a mis au point le F-117. Hein, c'est bien ça, l'avion furtif. L'U2 était-il aussi un avion furtif? Non. Non, les ingénieurs l'auraient bien voulu, mais ils n'ont pas réussi, malgré la peinture sombre qui, en principe, devait le rendre quasiment invisible dans le ciel. Et presque tout de suite, les vols du 2 ont été repérés par les radars soviétiques. Oui, repérés, mais pas attaqués. Non, puisque les avions de la chasse soviétique ne pouvaient pas atteindre l'altitude à laquelle volait l'U2. Donc les Russes ont découvert qu'ils étaient espionnés, mais ils ne pouvaient pas réagir. Tout à fait. Et vous le devinez bien, ils ont très mal supporté cette situation. Il était fatal dans ces conditions qu'ils profitent de la première occasion pour se venger. Le président Eisenhower a adhéré tout de suite au projet de construction de l'U2. Dans un livre très documenté sur l'action clandestine de la CIA et son utilisation de l'outil aérien, les ailes de la CIA, Frédéric Lert écrit « L'idée de posséder un appareil capable de survoler impunément l'URSS pour en ramener des images enthousiasma le président américain qui donna son accord immédiat pour lancer le programme. » En l'absence d'informations sur les programmes militaires soviétiques, les États-Unis vivaient hantés par l'idée qu'un Pearl Harbor atomique soit possible. À la demande d'Eisenhower, une commission composée de scientifiques de renom avait même été constituée quelque temps auparavant, avec pour mission l'étude des différents moyens devant permettre de prévenir une attaque surprise de la part de l'URSS. Mais, avec une étonnante prescience de ce qui allait arriver quelques années plus tard, Eisenhower avait mis en garde ses interlocuteurs contre un trop grand enthousiasme. « Je pense que notre pays a besoin de ces informations et j'approuve ce projet de vol de reconnaissance, mais je vous préviens, un de ces jours, un de ces avions se fera prendre et ce jour-là, nous aurons un sacré problème sur les bras. » Ce problème, effectivement, ce devait être l'affaire Gary Powers. Mais les Soviétiques ne disposaient-ils vraiment d'aucun moyen pour essayer d'intercepter les U-2 ? Non, ils étaient totalement impuissants. Même si c'est vrai, ils travaillaient avec acharnement à construire un missile SAM de la deuxième génération capable d'aller chercher les U-2 dans la stratosphère. Mmh. Et en abattant l'avion espion de Gary Powers en 1960, hein, ils ont fait la preuve de leur réussite. Je ne sais pas. Comment vous ne savez pas, le U-2 a bien été abattu, non? Je n'en suis pas certain. La seule certitude dans cette affaire, c'est que Powers a été capturé vivant. Pour le reste, c'est la confusion totale. Étonnez, même si l'avion a été touché par un missile, ce dont je doute, volait-il vraiment à son altitude de croisière à plus de 20 000 mètres? Vous voulez dire qu'il aurait pu voler plus bas? Exactement. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup de questions en suspens. Oui, mais Powers lui-même a dû expliquer ce qui lui est arrivé. Bien sûr, il l'a fait lors de son procès à Moscou. Mais laissons de côté cette version parce qu'elle aurait très bien pu être inspirée par ses geôliers, des maîtres en la matière. Mmh. Non, beaucoup plus tard, assez longtemps après sa libération, Powers a lui-même publié le récit de son aventure. Mmh. Une parenthèse, combien de temps est-il resté prisonnier? Un peu moins de 2 ans. Mmh. Il a été libéré en 1962 à l'occasion d'un échange avec un personnage de tout premier plan dont je vous ai déjà parlé, Rudolf Abel. Ouais, le chef de l'espionnage soviétique en Amérique du Nord. Oui, un homme qui n'a jamais révélé ses secrets. Et l'échange a eu lieu dans la meilleure tradition, en Allemagne, sur ce fameux pont qui séparait alors l'Ouest de l'Est. Ouais. Alors, le récit de Powers. Un détail qui compte d'abord. Powers, c'était un pilote très expérimenté qui travaillait sur le programme U-2 pratiquement depuis le début. Ça veut dire qu'il avait souvent volé sur cet appareil. Il avait déjà accompli plusieurs missions au-dessus de l'URSS. Et où était-il basé? Il y avait plusieurs bases secrètes d'où décollaient les U-2. Au Japon, en Turquie, au Pakistan. Et c'est justement au Pakistan que se trouvait Powers. La mission qui lui était confiée était la plus longue jamais réalisée. Plus de 9 heures, autrement dit 7000 km de vol, dont plus de 5000 au-dessus de l'URSS. Mmh. Quels étaient les objectifs de ce vol? Le premier, c'était la base de lancement de Baïkonour, dans le Kazakhstan. Mmh. C'est là d'où partaient les fusées soviétiques. Et où étaient aussi expérimentés les missiles. Ensuite, Powers devait mettre le cap sur l'Oural, où les Russes édifiaient dans le plus grand secret des installations nucléaires. Puis sa mission le conduirait au-dessus de la base navale de Mourmansk. Mmh. Et où devait-il atterrir? Sur une base norvégienne. Ouais. Et en cas de pépin? Il y avait, je vous l'ai dit, un système d'autodestruction. Automatique? Non, c'est le pilote qui devait lui-même actionner ce système. Et donc, se suicider? Non, le siège était éjectable et le pilote disposait d'un parachute. Mais quand vous parlez de suicide, vous abordez sans le savoir une question très épineuse. Les pilotes du 2, en effet, portaient sur eux un faux dollar en argent à l'intérieur duquel était dissimulée une dose de curare et une aiguille. Il suffisait de se piquer pour mourir instantanément. Est-ce que ça veut dire que le pilote devait se suicider en cas d'incident? C'est un point qui n'a jamais vraiment été éclairci. Pour certains, le curare ne devait être utilisé que si le pilote était menacé de torture. Mais d'autres, quand Powers reviendra aux États-Unis, n'hésiteront pas à lui reprocher de ne pas s'être donné la mort. Ce que je trouve personnellement scandaleux. Ouais. Effectivement. Mais ce système de destruction là, dont était pourvu Powers ne l'a pas actionné? N'a pas pu. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré. Mais voyons ce vol. Mm-hmm. Powers décolle de Peshawar le 1er mai au matin après avoir attendu une bonne heure, sanglé dans son avion et engoncé dans sa combinaison pressurisée. Pourquoi cette attente? Parce que toute mission du 2 doit recevoir le feu vert du président Eisenhower en personne. Et à Washington, on traîne un peu. Des réticences? Certainement. Chaque vol est une nouvelle provocation à l'égard des soviétiques. Or, Eisenhower et Khrouchtchev doivent se rencontrer 15 jours plus tard à Paris. Cette mission qui doit permettre de survoler les sites les plus secrets de l'URSS n'est peut-être pas la meilleure façon de préparer cette conférence au sommet. Oui, mais pourtant Eisenhower donne son aval. Hein? Oui, sans doute sous la pression des dirigeants de la CIA, mais on y reviendra si vous le voulez bien. Donc, Powers décolle enfin. Il survole l'Afghanistan et pénètre au-dessus du territoire soviétique. Et là, très vite, il a l'impression qu'il est attendu. Ça, on est toujours dans la version de Gary Powers lui-même. Bon, vous dites qu'il a l'impression qu'il est attendu, c'est-à-dire ben, il observe au-dessous de son U-2 deux chasseurs à réaction. Mais naturellement, ils sont bien trop bas pour venir l'attaquer. Ça veut dire en tout cas qu'il est très vite repéré. Oui, oui, mais je continue. Le pilote de la CIA vole à peu près depuis 4 heures. Et il est à la hauteur de la ville de Sverdlovsk, dans l'Oural. Soudain, l'U-2 est violemment secoué. Et au même moment, une lueur orangée illumine le cockpit de l'appareil. Que s'est-il passé? Powers, à ce moment-là, n'en a aucune idée. Je pense qu'il a peut-être été touché. Mais il jette un œil sur les instruments de bord. Rien d'anormal. Et le moteur continue à fonctionner. Mais d'un seul coup, tout va aller de mal en pis. Expliquez. L'U-2 penche à droite. Powers redresse l'appareil. Mais il a à peine fini la manœuvre que l'U-2 se met à piquer. Et malgré tous ses efforts, le pilote ne peut rien faire. Il a beau tirer sur le manche, l'avion continue à piquer du nez. Les commandes étaient sans doute coupées. C'est ce que s'est dit Powers, et la situation s'est encore aggravée, car l'U-2 a été secoué en tous sens et il est parti en vrille. Les ailes avaient dû être arrachées. Mais à ce moment-là, que pouvait faire Powers? Pas grand-chose, parce qu'il était ballotté contre les parois du cockpit. Et en outre, sa combinaison s'est gonflée. Ouais, ce qui veut dire que la cabine n'était plus pressurisée. Oui, et boudiné comme il l'était, ça entravait ses mouvements. Alors, affirme-t-il, il a pensé à actionner le dispositif de destruction. Mais à cause de la vitesse de la chute, il n'y est pas arrivé. Il ne restait plus qu'une chose à faire, s'extraire au plus vite du cockpit et en déverrouillant le dôme de l'avion. Ouais. Il n'a pas utilisé le siège éjectable. Non, il ne le pouvait pas, paraît-il. Et puis même s'il avait pu, il aurait pu hésiter. Mais pourquoi? Les pilotes du 2 n'avaient pas une entière confiance dans ces sièges. Ils avaient même soupçonné que ces systèmes avaient été piégés par la CIA. Attendez, piégés, je comprends pas. Mais si. Si un pilote avait hésité à se donner la mort, le siège éjectable aurait très bien pu choisir leur place. Vous comprenez? C'est effrayant, ça. Oui. Et les soupçons des pilotes n'étaient peut-être pas invraisemblables. Enfin, pour revenir à Powers, il a donc fini par quitter l'U-2 et a plongé dans le vide. Il avait un parachute. Naturellement. Il s'est ouvert à 4000 mètres. Quelques instants plus tard, il a atterri dans la campagne et il s'est presque aussitôt fait cueillir par des gens qui semblaient l'attendre. Rien. Qui semblait l'attendre. Oui, des gens qui avaient observé sa chute et qui l'ont tout de suite conduit au poste de la milice le plus proche. Mais le plus intéressant, c'est ce qui se passe quelques minutes plus tard. Mais racontez là. On est le 1er mai, je vous le rappelle, et sur la place rouge, au-dessus du mausolée de Lénine, Khrouchtchev préside les cérémonies de la fête du travail. Soudain, un général s'approche du numéro 1 soviétique, lui glisse quelques mots à l'oreille, et aussitôt, un large sourire s'affiche sur la face rubiconde de M. K. Il sait qu'il peut maintenant engager une formidable partie de poker menteur avec Eisenhower. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. La capture de Powers intervient donc 15 jours tout juste avant l'ouverture de l'importante conférence de Paris où, en présence du Premier ministre britannique Macmillan et du général de Gaulle, Eisenhower et Khrouchtchev doivent parler de la limitation de la course aux armements et de l'arrêt des expérimentations nucléaires. Ce sommet a été préparé 2 mois plus tôt à Washington par une réunion du Conseil national de sécurité sous la présidence d'Eisenhower. Dans sa biographie du président américain parue en France aux éditions Flammarion en 1986, le journaliste Stephen Ambrose évoque cette réunion et les enjeux de la conférence de Paris. Jamais les Soviétiques et les Américains ne s'étaient trouvés si près d'un accord. Gordon Gray, l'un de ceux qui assistait à la réunion, nota les déclarations et les sentiments du président. Premièrement, il faut trouver un accord. Deuxièmement, nous ne pouvons continuer à refuser de faire un pas vers les Soviétiques. Troisièmement, il y va de nos intérêts vitaux. Quatrièmement, le président préférerait un arrêt d'un an, mais accepterait une durée de 2 ans. Les Soviétiques demanderaient une durée illimitée. Cinquièmement, si nous ne faisons pas de progrès dans un domaine comme celui-ci, nous n'avons aucun espoir pour le désarmement. Sixièmement, le président veut donner à Khrouchtchev toutes les chances de prouver qu'il fera ce qu'il annonce. Si Khrouchtchev a été très rapidement informé de l'affaire du U-2, vous imaginez bien que Eisenhower l'a été aussi très vite. Dans quel terme? On lui a dit que l'U-2 n'avait pas atterri comme prévu en Norvège et qu'il était donc sans doute perdu. Mais le président américain, malgré la proximité de la conférence de Paris, ne s'est pas affolé. Pour quelle raison? parce que la CIA l'avait assuré qu'en cas d'incident, l'U-2 serait automatiquement détruit et donc que toutes les preuves d'espionnage seraient intégralement détruites. Ouais. Mais c'était un mensonge, puisque vous avez dit que c'était le pilote qui devait actionner le système. Oui, oui, la CIA avait donc menti au président. Ouais. Et ça va avoir de très graves conséquences, car pendant quelques jours, Eisenhower va réellement être persuadé que l'U-2 a été détruit et que son pilote est mort. Par conséquent, il ne bouge pas. Et du côté soviétique ? Khrouchtchev attend 5 jours. Et le 5 mai, il annonce que les forces aériennes ont abattu un avion espion américain au-dessus du territoire soviétique. Naturellement, il en profite pour dénoncer la provocation américaine. Ah, il accuse Eisenhower ? Non. Curieusement, il laisse entendre que les militaristes américains ont peut-être agi de leur propre initiative. Ce qui est relativement humiliant pour Eisenhower, dont on insinue qu'il pourrait être tenu dans l'ignorance de faits aussi graves par sa propre administration. C'est vrai, d'autant que 1960 est une année électorale et que les démocrates mènent la vie dure aux républicains au pouvoir. Et c'est Kennedy d'ailleurs qui finira par être élu contre Nixon, oui. Le vice-président d'Eisenhower. Tout à fait, oui. Et comment réagit Eisenhower face aux accusations de Khrouchtchev ? Il choisit la diversion. Non seulement parce qu'il était persuadé que Gary Powers était mort et son avion détruit, mais aussi parce qu'il voulait garder le secret le plus absolu sur le programme U-2. Mm-hmm. Mais cette diversion... Et les États-Unis publient un communiqué laconique dans lequel ils annoncent qu'un avion de recherche de la NASA qui effectuait des mesures météorologiques en haute altitude a été porté disparu. Mm. On ne fait pas mention de l'endroit où aurait pu se trouver cet avion. Si, les Américains affirment que cet appareil volait au-dessus de la Turquie, pas très loin de la frontière soviétique. Mmh. Et par conséquent, s'il a eu des ennuis, il a très bien pu franchir cette frontière. Voilà, vous avez tout compris, mais en approuvant cette déclaration, Eisenhower s'enfonce encore un peu plus dans le piège tendu par les Soviétiques. Parce que 2 jours plus tard, un Khrouchtchev hilar déclare devant le Soviet suprême que l'épave de l'appareil a été récupérée. Et dans cette épave, il y a des preuves manifestes que cet avion était utilisé pour des activités d'espionnage. Mais il annonce surtout que le pilote a été capturé. Et ça, c'est toute la défense du président américain qui s'écroule. Oui. Et il n'est bien sûr plus question de nier, là. Non, Eisenhower doit faire volte-face. Il admet publiquement que, sous ses ordres directs, depuis plusieurs années, des vols de reconnaissance ont eu lieu au-dessus du territoire soviétique. Des vols qui ont permis aux États-Unis d'acquérir une très bonne connaissance du complexe militaro-industriel de l'URSS. Il se défend, mais c'est quand même très provocateur. C'est vrai, mais Eisenhower doit aussi tenir compte de l'opinion américaine et du combat électoral qui se joue. Ouais. Et Moscou répond ? Les Soviétiques menacent d'attaquer les bases d'où décollent les U-2. Gesticulation ? Bien évidemment. Mais Khrouchtchev a gagné sur toute la ligne. Il a pris les Américains la main dans le sac et il a pu les convaincre de mensonges. Et c'est assez triomphalement qu'il annonce que le pilote Gary Powers fera l'objet d'un procès pour espionnage. Ouais. Quant à la conférence de Paris, j'imagine qu'elle est assez mal partie. Là. En effet, oui. Parler de désarmement après une affaire Paris, ça tient de la gageure. Et effectivement, à Paris, après avoir fait un éclat, Khrouchtchev prendra la décision de rompre. Mm-hmm. Il repart à Moscou avec le sentiment d'avoir gagné. Il a gagné, oui. Mm-hmm. Lui et ses alliés objectifs. Et que voulez-vous dire là ? Quels alliés ? À tous ceux qui voulaient que la conférence de Paris échoue. C'est-à-dire ceux qui étaient opposés à tout traité sur le désarmement. Oui, et paradoxalement, ils étaient aussi nombreux à l'Est qu'à l'Ouest. Khrouchtchev, c'est certain, s'est servi de cette affaire de l'U-2 pour faire échouer la conférence au sommet. Pourquoi ? Parce que chez lui, les vrais patrons du complexe militaro-industriel étaient opposés à tout accord de désarmement avec les États-Unis. Oui, parce qu'ils voulaient continuer à fabriquer des bombes. Des bombes et des missiles. Or, contrairement à ce qu'on pensait généralement en Occident, les Soviétiques, surtout dans le domaine des missiles, étaient très en retard sur les Américains. En conséquence, pour eux, il n'était pas question de baisser la garde et de pactiser avec l'Ouest. Et ces généraux avaient engagé un véritable bras de fer avec Khrouchtchev. Et Khrouchtchev qui, lui, n'était pas décidé à poursuivre cette folle course aux armements. Oui, mais le numéro un soviétique se rendait bien compte que le budget militaire ruinait la nation et que le niveau de vie de la population ne s'améliorait pas, bien au contraire. Mais d'un autre côté, il était ligoté. Tous ces barons de l'armée et de l'industrie étaient puissants. Et la position personnelle de Khrouchtchev ne cessait de se détériorer. Il a donc laissé faire et il a essayé de tirer le meilleur parti de cette affaire de l'U-2. Mmh, en donnant des gages au complexe militaro-industriel. Oui, mmh. Oui. Et à l'Ouest, alors, il y en avait aussi. Mais il existait aussi des gens qui ne voulaient pas entendre parler d'un quelconque relâchement de l'effort militaire. C'est pourquoi j'ai évoqué les alliés objectifs de Khrouchtchev. Et ceux-là se trouvaient où ? Certains avaient fait leur nid à la CIA. La CIA qui, vous l'avez fait remarquer, avait déjà menti au président américain. Exactement, ça, qui va donc contribuer à le faire tomber dans le piège de Khrouchtchev. Mais attendez, si je suis votre raisonnement là, ça voudrait dire aussi que l'affaire de l'U-2 a été montée toute pièce. Et pourquoi pas ? De quoi s'agirait-il alors ? D'un sabotage. On aurait saboté l'U-2 pour qu'il tombe aux mains des soviétiques. Je le pense, oui. Mais comme je ne suis pas un maniaque du complot, je vais d'abord me faire l'avocat du diable. Quelque chose cloche dans le récit de Powers. Enfin ça, je crois vous l'avoir fait comprendre. Ouais. S'il a été réellement touché par un missile ou si l'U-2 a été endommagé par le souffle de l'explosion d'un missile, c'est qu'il ne volait pas aussi haut que d'habitude. Oui, parce que son attitude de croisière, les missiles ne pouvaient pas l'atteindre. Hein. Donc l'U2 a dû avoir un problème. Il faut savoir que ce même appareil avait déjà connu de sérieuses difficultés. C'est-à-dire le même appareil, celui dans lequel volait Guy Powers. Oui, ça. 6 mois plus tôt au Japon, il avait atterri sur le ventre. Il avait été bien sûr réparé, mais depuis, il n'était plus aussi sûr. Et ça pourrait expliquer ses problèmes. C'est une possibilité. D'accord, mais si Powers avait rencontré ces difficultés, pourquoi ne l'aurait-il pas admis? Et là, vous avez raison. Mais peut-être que Powers, prisonnier de son histoire, était condamné à mentir. Attendez, là, soyez plus clair. Je suis persuadé que l'affaire est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Et dans cette affaire, Powers n'a été qu'une victime. Alors, selon moi, voici comment ça s'est passé. Alors qu'il vole au-dessus de l'Oural, le moteur de l'U2 s'étouffe. Parce qu'il a été saboté. Oui. Et quel genre de sabotage, d'après vous ? Imaginons que le réservoir d'hydrogène liquide qui devait être injecté dans le moteur à haute altitude ait été insuffisamment rempli, par exemple. Pour allumer son moteur, Powers doit perdre de l'altitude, il plonge, et soudain il voit les chasseurs soviétiques, des avions qui sont beaucoup plus rapides que son U2. Dans l'impossibilité de remonter tout de suite, il se rend, et sous la menace, il est contraint à se poser. Se poser ? C'est-à-dire que l'U2 n'aurait pas été touché en vol. Oh, je n'exclus pas que quelques tirs de ce monstre aient été utilisés pour convaincre Powers. En tout cas, pour vous, il a donc atterri bien tranquillement. Oui, mais Powers est pris au piège. Il n'a pas eu le courage de détruire son appareil, enfin qu'il l'aurait eu à sa place. Et désormais, il est obligé de s'aligner sur la version fabriquée de toutes pièces par les soviétiques. Une version qui a un immense avantage pour ces derniers, car elle fait croire à tous ceux qui ne sont pas dans le secret et du complot que l'U2 n'est plus invulnérable. Oui, mais... Si je me souviens bien, on a vu des photos de l'épave de l'appareil, non ? Elles ont été truquées. C'est une autre épave qui a été photographiée. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le penser. Certains spécialistes en aéronautique ont noté que quelques détails ne correspondaient pas à l'U2. Bizarre, non ? Donc il y a eu sabotage, mais il y en a encore un peu plus, puisque ces chasseurs soviétiques se trouvaient là au moment opportun. Les comploteurs ont communiqué aux soviétiques par un canal ou un autre le plan de vol de l'U2. Il y avait donc non seulement complot, mais trahison. Une collusion entre les va-t-en-guerre des deux géants. Mais la seule chose que ces traîtres n'avaient sans doute pas prévue, c'est que les soviétiques, au lieu d'abattre l'U2, choisiraient de s'en emparer. À ma connaissance, seul un homme a soutenu une thèse assez semblable à celle de M. X. Un homme très bien informé, puisqu'à l'époque, il était officier de liaison entre le Pentagone et la CIA. Le colonel Prouty, c'est son nom, a donc eu à connaître certaines missions de reconnaissance des appareils U2. Et dans ses mémoires, il affirme qu'il était très facile de saboter l'appareil de Powers. Et il pense que c'est la CIA qui a effectué cette manœuvre. La CIA dont les dirigeants étaient hostiles à un réchauffement des relations avec l'URSS et qui redoutaient par-dessus tout de voir leur rôle minoré dans une telle hypothèse. Un dernier mot. Powers est mort en 1974 dans un accident d'hélicoptère et il a emporté avec lui ses secrets. Je vous rappelle notre adresse internet www.franceinter.com. Bien sûr, si vous avez des informations sur cette affaire ou sur d'autres, vous pouvez nous écrire à samedi prochain.